DJ Maxime est toujours là? Est-ce qu'il est là? Toujours là, comme d'hab. Très bien, t'es chaud? Je suis chaud, j'ai envie de parler de sexe, tout. Alors... j'ai envie de foncer sa copine de Gérard. Eh, hey, DJ Maxime! J'ai envie de l'enculer, ta chérie! Putain. Eh hey là, hey, tu parles. Hey. Alors je vais te dire une chose, mon pote, que là tu vas te faire enculer ce coup-là, mais grave de chez grave. Ah ouais. D'accord. Alors toi, tu vas te faire enculer, je ne te vois pas dans mes débats. T'es un gros connard, t'es un gros pétard et t'es un poireau. Et toi, t'es une grosse pute. T'es une grosse queue. Mais t'es vraiment taré, toi, mais. Eh hey. Je crois qu'à la naissance, ta mère, elle a oublié de te sortir de... T'as oublié de mettre des couches tampons. Ouais, bah toi, elle... Et toi, je crois qu'elle est... T'es tombé du landau à ta naissance, mon pote, hein. T'es tombé du landau, ça va être le bordel ce soir, le débat, Gérard. Et ta mère avec. Et ta mère avec. Ta mère avec un B. Ouais, bah la tienne, elle va jumper dans... Ta mère avec un B. T'auras plus de... Ah ouais, d'accord, on comprend pas du tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Parle doucement, t'énerve pas ou pas? Je veux dire que sa copine Cindy, je voudrais bien se la faire, sa copine Gérard. C'est vrai? Elle est trop mignonne, elle est trop bonne, j'aimerais bien de la sauter, de la féminiser. Ouais, bah là, tu toucheras ta propriété de connasse que t'as là. Hé, hey, Maxime! Oui. Allez, rapproche-toi, parce qu'on t'entend plus bien. Là, ça va mieux, là. Parce que t'es dans un endroit où on capte pas bien. Écoute bien. Ta mère, elle va jumper. Ta mère va jumper. Plus de baisse, plus de tempo. Allez, vas-y. Plus de cul, plus de tempo. Fon. Enculé, Gérard. Je vais enfoncer cette vie. Enculé, Gérard. Alors, je vais te dire une chose. Eh, hey, trou du cul, là. Trou du cul, Gérard. Eh, hey, trou du cul. Allez, dis-lui ce que t'as à dire, vas-y, rentre, vas-y. Eh, hey, trou du cul, je vais te dire une chose, que là, on va faire la pause avant mon débat, on va appeler Sandy et tu vas voir comment tu vas te faire enculer, là, mon pote. Non, on n'aura pas le temps, malheureusement. Si, on va l'appeler vite fait après la pause. On attaque directement le débat sur les... Les catastrophes, mais on va, faut que Sandy règle ses comptes avec lui aussi. Et comics s'abstenir. Voilà, non, pas sérieux s'abstenir. D'accord. Voilà.